بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc on continue toujours dans ce livre. وبالأمس أخذنا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. On a pris ce qui concerne la foi en les anges. Et par la suite, comme dans le hadith de Jibril, qu'est-ce qui est cité ? La foi en les livres. Le livre que Allah Azza wa Jal a fait descendre. Donc là, c'est ce que l'auteur va citer comme question. يقول رحمه الله تعالى في السؤال السابع والسبعين 77e question. ما دليل الإيمان بالكتب. Donc quelle est la preuve de la foi en les livres, que celle-ci est obligatoire et elle est un pilier de la foi. أدلته كثيرة ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Donc les preuves sont très nombreuses. Parmi elles, ce que Allah a dit dans le sens, il a dit ô vous qui avez cru, croyez en Allah, en son messager, et en le livre qui a été descendu sur son messager, ainsi que le livre qui a été descendu auparavant. Et là, Al-Kitab, il est venu au singulier, et parmi les règles qui existent, parmi les termes qui englobent une généralité, lorsqu'un nom de genre vient et qu'il y a Al qui rentre dedans, cela englobe tout le genre. C'est-à-dire que là, Al-Kitab, ça veut dire tous les livres. Là, comme lorsqu'on dit l'homme, l'homme sur terre a fait telle et telle chose. Le terme, il est singulier, le sens voulu sont les hommes en fait. Donc là c'est pareil, le livre, ce qui est voulu par là, ce sont les livres, El Kutub. Ça c'est le verset qu'on vient de lire, c'est An-Nisa, verset 136. Les femmes, verset 136. Wa qawluhu ta'ala, qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Dites, nous avons cru en Allah et en ce qui a été descendu sur nous. Et ce qui a été descendu, c'est-à-dire révélé à Ibrahim et à Ismaïl et à Ishaq et à Yaqub et aux tribus. Et ce qui a été donné à Moussa ainsi qu'à Isa. Et ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons de différence entre aucun d'entre eux et nous lui sommes soumis, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Baqarah, la vache, verset 136. Donc ce verset dit que les croyants ont cru dans le sens que les croyants, ce sont ceux qui croient en cela. D'accord? Et là, c'était que deux versets, il dit qu'il y en a d'autres qui sont nombreux. ويقول ويكفي في ذلك قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. Il dit, un seul verset suffit à lui seul, dans le sens où Allah dit j'ai cru en ce qui est descendu d'Allah comme livre. C'est tout. Ce verset-là à lui seul suffit. Et on a dit quoi comme livre? Ça veut dire comme livre au pluriel en fait. Tous les livres qui ont été descendus par Allah Azza wa Jal, j'y crois. Ash-Shura, la consultation, verset 15. يقول في السؤال الثامن والسبعين 78e question. هل سميت جميع الكتب في القرآن. Donc maintenant il dit, est-ce que tous les livres que Allah Azza wa Jal fait descendre ont-ils été nommés dans le Coran? D'accord. Ça c'est la question. سمى الله منها في القرآن هو التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وذكر الباقي جملة. Donc il a dit, Allah Azza wa Jal n'en a nommé que certains dans le Coran. D'accord? Il y a At-Torah, qu'on appelle la Torah. Ou l'Injil, qu'ils appellent l'Évangile. Ou Zabour, qu'ils appellent les psaumes. Et les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. Ce sont ceux-là qui ont été textuellement nommés dans le Coran. Et les autres livres, Allah Azza wa Jal les a nommés globalement, de façon générale. Un ensemble. Mais ceux-ci ont été explicitement nommés. فقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والإنجيل. Dans le sens où Allah dit Allah, nul de Dieu digne d'être adoré en dehors de lui, il est le vivant et le Qayyum, celui qui se tient par lui-même et celui par qui tout se tient. Donc on reste, on dirait le Qayyum. Il a fait descendre sur toi le livre en réalité confirmant ce qu'il a devancé, c'est-à-dire le livre, ce qui était devancé, et il a fait descendre la Torah et l'Injil. Donc le Coran est venu pour confirmer les livres précédents et parmi ceux qui ont été nommés, la Torah ou l'Injil. Là, c'est le verset de Al-Imran, la famille d'Imran, versets 2 à 4. وَقَالَ تَعَالَى وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Et nous avons donné à Daoud, Zabour. Zabour. Qui traduisent eux par les psaumes. An-Nisa, les femmes, verset 163. وَقَالَ تَعَالَى أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِمَا فِي صُحُفْ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. N'ont-ils pas été informés ou n'est-il pas informé de ce qui a été, c'est-à-dire cité, dans les feuillets de Moussa. Et également Ibrahim, celui qui a fidèlement retransmis. Al-Najm, l'étoile, verset 36 à 37. Mais le livre qui a été donné à Moussa, c'est la Torah. C'est pour ça que les ulama disent Souhouf Moussa, en réalité c'est la Torah qui lui a été révélée. Le livre révélé à Moussa, c'est la Torah. Et c'est de là que ce qu'on appelle en français le judaïsme est apparu. Et pas avant. Avant, il n'y avait pas de juifs. D'accord? Comme a dit le Ta'ala, وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنْ مُشْرِكِينَ. Que Ibrahim n'était ni un Yahoud, un juif, ni un chrétien. D'accord? Mais il n'était qu'un muslim. Un croyant pur. Mouahid pur. Comment aurait-il pu être un Yahoud alors que la Torah est venue après lui? Et comment aurait-il pu être un Nasrani, un chrétien, alors que l'Injil est venu après lui? Comme a dit Ta'ala. Cependant, il était muslim, soumis à Allah Azzawajal, lui ainsi que tous les prophètes. Yaqul, wa qala ta'ala, laqad arsalna rusulana bilbayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitab wal mizan liyaquma an-nas bilqist. Dans le sens où Allah a dit, nous avons certes envoyé nos messagers avec les preuves et nous avons fait descendre avec eux le livre ainsi que la balance afin que les gens se tiennent sur l'équité. Donc là, le livre, ce qui est voulu, ce sont les livres. Et le mizan, c'est la justice. Là, ici. Sans quoi, yom al-qiyama, le mizan, il existe pour de vrai. C'est une balance qui existe avec des plateaux sur lesquels Allah Azzawajal pèsera les serviteurs et leurs actions. Eina. C'est-à-dire, on n'interprète pas le mizan yom al-qiyama qui aura le jour des comptes. C'est une vraie balance. Contrairement à la secte des Mu'tazila qui ont dit non, ce n'est pas une balance concrète, ça n'existe pas. Et là, le verset qu'on vient de lire, c'est Surat al-Hadid, le fer, verset 25. يقول فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا ونقول فيه ما أمر الله به رسوله. طيب. Donc ce que Allah Azza wa Jal a cité comme livre en détail, précisément, on y croit en détail, précisément. Et ce qu'il a cité globalement, de façon générale, on y croit globalement, de façon générale. Et nous disons ce que Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète de dire. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. Et dit, je crois en ce que Allah a fait descendre comme livre. Donc ces livres, on y croit. D'accord? Ces livres, on y croit tous. Allah Azza wa Jal a fait descendre des livres avant le Coran. Et on y croit en tous. C'est-à-dire qu'on y croit qu'ils ont été révélés. Et on y croit qu'il s'agit de la parole d'Allah Azzawajal incréée comme cela va suivre. Mais que ces livres ont été, par la suite, falsifiés par la main de l'homme, et certaines règles qui ne l'ont pas été, ont été, elles, abrogées par le Coran, et d'autres qui ont été confirmées, qui restent toujours effectives. Non. Ça, l'auteur va en parler. Yaqulu fi su'al at-tasi'u wa sab'in. 79e question. Ma ma'na l'imanu bi kutubillahi azza wa jal. Donc maintenant, que signifie le fait de croire en ces livres? Qu'est-ce que cela même implique? يقول معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل وأن الله تكلم بها حقيقة. Cela veut dire qu'on doit y croire totalement, une croyance totale en tous ces livres et qu'ils ont été révélés par Allah عز وجل et que Allah a réellement parlé. D'accord, c'est sa parole. Ces livres sont la parole d'Allah عز وجل. Cette parole qui est un attribut et qui n'a pas été créée. C'est ça y croire. فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي. Parmi ces livres, certains qui ont été révélés directement aux messagers de vive voix sans le biais de messagers anges, comme Jibril. Allah Azza wa Jal a révélé de ces livres à certains de ses envoyés de vive voix directement, d'accord, sans intermédiaire. ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري. Et parmi eux, ce que l'ange messager a retransmis au messager humain. Donc la révélation s'est faite de différentes façons. Ce n'est pas tout ce qui était révélé qui est venu par Jibril. Là, des choses sont venues au messager de façon directe à certains d'entre eux. Du moins, certains ont eu des preuves claires qu'Allah leur a parlé. D'autres, on n'a pas de preuve, ce qui n'empêche pas qu'elle a pu l'avoir fait également. D'accord? Mais certains ont été stipulés de façon précise, comme cela va venir. وَمِنْهَا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِيَدِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى. Et certains, parmi ces livres, qui ont été écrits par la main d'Allah directement. D'accord? Il y a des livres que Allah Azza wa Jal a écrits de sa main. Donc là, on y voit l'attribut de l'écriture que Allah il écrit, et que Allah Azza wa Jal, il a une main, voire même qu'il en a deux. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أم وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. Que aucun humain, d'accord, sans que Allah ne lui parle, soit par la révélation, soit derrière un voile, ou soit en envoyant un messager qui lui donne la révélation par sa permission. C'est-à-dire qu'il donne la révélation que Allah veut par sa permission. Donc là, les trois sortes sont citées. Et ça, c'est Shura, la consultation verset 51. وقال تعالى لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. Que Allah dans le Coran, il dit à Moussa que je t'ai certes élu, dans le sens élu, c'est-à-dire élevé et choisi en particulier, au milieu des gens, par mon message et par ma parole. Que Allah lui a donné son message à retransmettre et qu'il lui a parlé. Al-A'raf, verset 144. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et que Allah a parlé à Moussa de vive voix. Là, c'est une règle en arabe. Parce qu'on a un verbe, et ensuite on a un masdar, qui s'appelle maf'ul mutlaq de ce verbe, cela implique une action concrète. Là, Allah il dit وَكَلَّمَ, qui veut dire parler. Et le masdar de parler, de kallama, c'est taklim. Et là, il a dit وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. C'est-à-dire, là, cela ferme les portes aux innovateurs qui ont voulu interpréter en disant que Allah ne parle pas directement au nom de vive voix. Si cette formule en arabe implique une action concrète. C'est comme si je te dis, par exemple, darabtuhu darba, je l'ai frappé réellement. Ou akaltuhu akla, je l'ai mangé réellement. Ou ainsi de suite. Ça, c'est des règles. Ceux qui parlent un peu l'arabe peuvent la comprendre et les autres, on les encourage à apprendre l'arabe pour comprendre ce genre de choses qui sont des choses qui les aideront à avoir une croyance saine. Une croyance authentique. La langue arabe, elle est primordiale. Car beaucoup de gens jouent avec les gens, avec des interprétations se basant sur la langue arabe. Et comme l'ignorant ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, il se fait duper. Il se fait tromper. Alors que celui qui apprend la langue arabe et ses règles, d'accord, il est en mesure de pouvoir réfuter, de pouvoir distinguer, et de pouvoir comprendre. Bismillah ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal a parlé de vive voix à Moussa. D'ailleurs, il était appelé Kalimullah. L'interlocuteur d'Allah. وقال تعالى في شأن التوراة. Et attention, comme on dit, Allah Azza wa Jal également parlé à d'autres messagers. Pas que à Moussa, mais Moussa a été, lui, clairement désigné par cela. Sans quoi Allah Azza wa Jal a parlé à d'autres, comme Adam et d'autres messagers. وقال تعالى في شأن التوراة. Que Allah, il a dit à propos de la Torah. وكتبنا له في الأرواح min kulli shay'in mu'izatan wa tafsila li kulli shay'. Que nous l'avons écrit dans les tablettes, toute chose. D'accord? Exhortation et en détail de toute chose. En parlant des tablettes de la Torah. Dans Sourate Al-A'raf, verset 145. Donc Allah a parlé à Moussa et lui a écrit la Torah également. Wa qala fi Isa wa ataynahu l'injil. À Isa que nous lui avons donné l'injil, ce qu'on appelle l'évangile. Al-Ma'ida, verset 46. Mais sachez une chose, comme je le répète souvent, c'est cet injil qui était révélé à Isa, on ne l'a plus alors qu'il est. Cet injil, qui est la révélation faite à Isa, actuellement, on ne l'a plus. Ce qu'on a, ce qu'ils appellent l'évangile aujourd'hui, ce sont des témoignages de ses apôtres, et non pas la parole de Isa, ou la parole plutôt de Allah Azzawajal, donnée à Isa directement. D'accord? Ce sont des témoignages. Et en plus, ce sont des témoignages, même pas des apôtres directs, mais des disciples des apôtres. C'est comme si on avait aujourd'hui des livres écrits par ce qu'on appelle les tabi'in. Les tabi'in, qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont connu les sahaba, mais qui n'ont pas connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si eux rapportaient ce que le prophète avait dit, et cela via leur enseignement auprès des sahaba. Eh ben, les évangiles qu'on a aujourd'hui, c'est la même chose. Ce sont comme des tabi'in, des gens qui sont venus après les disciples qui sont venus plutôt à l'époque des disciples de Isa, mais qui n'ont pas connu Isa, et qui ont entendu des disciples et qui ont écrit cela. D'accord? Donc ce ne sont même pas les écrits des disciples eux-mêmes, nommés sur l'évangile comme eux le prétendent. Donc c'est-à-dire qu'on a une marge de personnes entre eux, et on n'a pas de chaîne de narration pour certifier qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça, ce qu'on appelle l'isnad, la chaîne de narration, c'est une chose qui est parmi les spécificités de légende de l'islam. Il n'y a que chez nous qu'il y a cela. Pouvoir remonter une chaîne de narration pour savoir si un hadith est authentique ou pas. Dans les autres religions, il n'y a pas ça. Ni chez les Yahoud, ni chez les Nasara. Ils n'ont pas cela. Et à la base, il n'y en a pas besoin, car leur religion aujourd'hui n'est plus celle qui est appliquée telle qu'elle aura été révélée. Donc on n'a pas besoin d'isnad pour savoir qu'est-ce qui est vrai, ce qui n'est pas dans le Coran. Ce qui est vrai nous est confirmé. Et ce qui est faux a été démenti. Et ce qui n'a été ni démenti, ni confirmé, on se tait dessus. Yaqul. Wa atayna Daoud Zabour. Nous avons donné à Daoud Zabour, les psaumes. Daoud, vous savez, celui qui nomme David. Sur la tête Nissa, les femmes, verset 130 ou 163. Wa taqaddama zikruha billafz at-tanzil. Wa qala ta'ala fi shan al-Qur'an. Donc maintenant Allah dit à propos du Coran. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Et que Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre sur toi, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait descendre par sa science, et les anges également attestent, et que Allah lui-même suffit comme témoin que le Coran a été révélé. Les femmes, verset 166. Wa qala ta'ala fihi wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'ala an-nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. C'est un Coran que nous avons fait descendre fragmenté, c'est-à-dire pas en une seule fois, mais par étape, afin que tu puisses le révéler, le donner aux gens par étape. Il ne vient pas d'un coup. D'accord? Et nous l'avons fait, certes, descendre, concrètement. Al-Isra, le voyage nocturne, verset 106. Wa qala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruh al-amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dans le sens où Allah dit, et certes, c'est une descente, c'est-à-dire une révélation du Seigneur des mondes, qui l'a fait descendre par le souffle de confiance, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, dans ton cœur, afin que tu sois parmi les avertisseurs, en une langue arabe claire. Et Shu'ara, les poètes, versets 192 à 196. Donc là, dans ce verset, Allah Azza wa Jal affirme l'une des façons dont la révélation était faite, c'est-à-dire par le biais de Jibril. Wa qala ta'ala fihi, et à propos du Coran, il dit également Allah, innal ladhina kafaru bidh-dhikr lamma ja'ahum wa innahu lakitabun 'aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Dans le sens où Allah dit que certes ceux qui ont mécru, en quoi on le rappelle qu'il aurait parvenu, et qu'il s'agit d'un livre puissant. Et là, il parle du Coran, que les kuffars ont mécru en ce livre. Et que le faux ne l'atteint pas de toutes parts. et qu'il est une descente d'un sage et d'un loué. C'est-à-dire que le Coran ne contient que du vrai. Il n'y a aucune fausseté dans le Coran. Et le Coran également, comme encore le Ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est-à-dire, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes gardiens. C'est-à-dire que le livre, il est protégé. Allah, il a fait des causes pour que ce livre soit protégé. Il est mémorisé par des millions de gens depuis sa révélation jusqu'à aujourd'hui. Et il est écrit. Tu ne pourras pas réciter un verset du Coran sans que quelqu'un d'autre, s'il y a une erreur ou un ajout, puisse l'entendre. Il le saura automatiquement. Vous avez des gens qui disent, comment vous savez que le Coran est préservé? On dit, on le sait parce qu'il est mémorisé par cœur et par trop de personnes. Donc tu ne peux pas tricher avec. Rien que eux, ces gens-là, ils ont des chansons qui datent depuis des siècles, qui chantent encore aujourd'hui, que tout le monde ne connaît pas et qui savent qu'elles n'ont pas été altérées. Des chansons. Alors que dire du livre d'Allah Azzawajal, qui est mémorisé par des millions de personnes depuis qu'il a été révélé. Et des gens qui l'ont mémorisé avec itqan, avec précision. D'accord? Ils ne se trompent pas. Et le livre a été écrit également par la main. Il n'a pas été changé de livre. Et mais vous, on vous défie de pouvoir réciter l'Injil. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas le réciter. Maintenant, les Yahouds, eux, prétendent réciter leur livre. Mais ils récitent quel livre? Le livre qui est entre leurs mains, qui est falsifié. Mais le livre qui était révélé à Moussa, alayhi salam, tel qu'il était à son époque, ils ne l'ont pas. Et eux-mêmes ont changé de toute façon, et eux-mêmes ne le voudraient pas l'avoir, de toute façon. Pourquoi? Parce que ce livre qui était donné à Moussa confirmerait le Coran, donc cela irait à l'encontre de leur croyance, de leur religion. Donc cela ne va pas dans ce qui les arrange. Donc ils ne voudraient pas avoir un livre aujourd'hui authentique. Cela serait un argument contre eux. Et en faveur des musulmans. Yaqul fi suwal 80. Ma manzilat al-Qur'an min kutub al-mutaqaddima. Donc maintenant, quel est le statut du Qur'an par rapport au livre précédent? D'accord? Quelle est sa place par rapport au livre précédent? Qala Allah ta'ala fihi wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan 'alayhi. Dans le sens où Allah il dit, et nous avons fait descendre sur toi le livre, en toute vérité, confirmant les livres précédents. D'accord? Et dans un sens également, les abrogeant. Al-Ma'ida, la table servie, verset 48. Encore le وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Dans le sens où Allah il dit, et que le Coran n'est pas une invention faite par autre que Allah Azza wa Jal. Cependant, il est une confirmation des livres précédents. D'accord? Et il précise également des choses des livres précédents. Et il est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute venant du Seigneur des mondes. Yunus, verset 37. وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Également que ce n'est pas un mensonge ce livre, une parole inventée. Cependant une confirmation des livres précédents et un détaillé de toutes choses et une guidée et une miséricorde pour un peuple qui croit. Yusuf, verset 111. Le Coran est une miséricorde pour les gens. Ce Coran, prend-le un peu à l'image, excusez-moi le terme, comme demain tu vas acheter une chose que tu voudrais utiliser, tu ne sais pas comment on l'utilise, tu auras une notice à mode d'emploi. Sans quoi tu seras perdu, on donne un appareil perfectionné, tu ne sauras pas comment l'utiliser. Et bien le Coran, il fait office justement d'indication pour les autres, les hommes en ce bas monde, comment ils doivent vivre. Comment qu'il soit en conformité et qu'il soit en concordance avec l'univers. Car tout coordonne dans le monde, parce que Allah Azza wa Jalla a créé, tout est parfait. Ceux qui causent des défaillances, ce sont les humains. Donc comment être en osmose avec le reste du monde? En appliquant le Coran. En appliquant le Coran, c'est là qu'on sera une chose entière avec la perfection de l'univers qui n'a aucune défaillance. Cependant, le khalal, il vient chez nous. Les mukallafoun, les djinns et les hommes. Mais si on voudrait vraiment, avoir un monde, parfait, à la base, le monde, il est parfait. D'accord? Même nos erreurs, il y a une sagesse derrière, car Allah Azzawajal sait pourquoi elles sont là, les erreurs. Mais selon nous, notre statut, ce sont des erreurs, et ces erreurs-là ne sont rectifiables qu'en appliquant la loi du Seigneur des mondes, qui est dans le Coran et dans la Sunna. C'est là que le monde y va tourner rond comme il se doit. Quand je dis tourner rond, c'est-à-dire chez les hommes. Chez les hommes. Non. ثم قال قال أهل التفسير ومهمنا أي متمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها يعني يصدق ما فيها من تصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير. Donc il a dit ce livre, le sens de مهمنا comme dans le verset, ça veut dire également un livre qui est fiable et qui est témoin sur les livres précédents. Il les confirme. Ça veut dire que ce qu'on voit dans les autres livres, ce qui est réel, on dit le Coran le confirme, donc on y croit à ça. Des choses qu'on pourrait lire demain, par exemple, quelqu'un verrait un verset de la Bible, il dit telle et telle chose, et que le Coran le confirme, il dira c'est le verset de la Bible, j'y crois. Il dira comment tu sais? Qu'est-ce que tu en sais là? Parce que le Coran le confirme. Donc j'y crois. C'est la vérité. Non. Également, il est là pour démontrer les erreurs présentes dans ces livres. C'est des choses qui contredisent les fondements présents dans le Coran, on dit qu'on n'y croit pas. Par exemple, on a un fait dans le Coran qui est dit, et dans l'Injil, on voit ce fait qui est contredit, d'accord? Eh ben, on dit que ce fait dans l'Injil, dans la Torah, eh ben, c'est un mensonge, il a été falsifié. On parle pas forcément de règles, on parle de faits, de harbar. Car les harbar, les faits, les histoires ou quoi, sont des choses qu'on peut pas abroger. Par contre, on peut avoir un jugement présent dans l'Évangile ou dans la Torah, qui, dans le Coran, n'est pas cité ou qui est cité différemment. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément faux chez les autres. Peut-être qu'il a été abrogé et changé pour nous. D'accord? Mais les informations relatives aux faits, c'est-à-dire les histoires des prophètes cités ou autres, ceux-là, on ne peut pas les abroger. Si dans l'Injil, Allah te dit, ou plutôt, Astaghfirullah, si dans l'Injil, les gens aujourd'hui te disent que Allah a dit telle chose sur un fait et ça contredit un fait cité dans le Coran, on dirait que c'est un mensonge chez vous. Par exemple, quand ils disent que Issa, soi-disant, a été crucifié. On dit non, c'est pas vrai. D'accord, c'est pas vrai. Et autre. Et combien de mensonges dans la Bible on trouve sur les prophètes aujourd'hui? Combien de mensonges et de diffamations à leur encontre qu'on trouve? Wa li azbillah. Yaqul yahkumu alayya bil nasr aw takrir. Donc comme on vient de dire, le Coran vient pour justement montrer est-ce qu'il abroge ou est-ce qu'il affirme. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمات ممن لم ينقلب على عقبيه. C'est pour cela que tu vois toutes les personnes qui en réalité sont accrochées à leurs livres concrètement et sincèrement parce qu'ils écoutent le Coran, ils y croient. Tu ramènes un Nasrani qui était sincère et véridique, qui croyait en son livre, le jour où il entend le Coran, il va y croire. Ce fut le cas de qui? Al-Najashi, le Négus, lorsque les Sahaba ont fait la première hijra en Habasha et qu'ils ont récité Sourate Maryam sur le Négus, qui était un Nasrani, un chrétien, il y a cru aussitôt. Il a pleuré. Tout de suite, il y a cru. Et il a dit ce que tu viens de réciter et ce qui est descendu sur Moussa viennent d'une seule mais même chandelle. Et il a dit ce que tu as dit sur Issa actuellement ne dépasse pas ce bâton. C'est-à-dire c'est la vérité quand tu as dit que Issa n'est qu'un serviteur et le fils de Mariam. Et ce que tu as dit, c'est la vérité. Et Najashi, il y a cru tout de suite. C'est rentré dans son cœur. Et tu verras aujourd'hui plein de gens parmi les gens du livre, et principalement chez les Nasara, parce que les Yahoud sont trop orgueilleux, ils veulent pas accepter, trop sectaires. Tu verras plein d'entre eux, lorsque tu lis le Coran, ça fait un éveil chez eux. Après, t'en as parmi eux, ce sont des Mudbirin, ils veulent pas accepter, ou des Mutaassibin, mais t'en as parmi eux. Quand tu leur lis là, ça les interpelle, ils disent, mais ce que tu dis là, ça coordonne. Subhanallah. Et plein de gens du livre, des gens qui étaient des anciens chrétiens, sont convertis à l'islam. Plein. Vous le savez, ça. Vous en êtes témoins. Même parmi vous, il y en a. Moi, je suis parmi eux d'ailleurs, mathalan. يقول الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. Donc là, Allah dit le verset qui confirme ce qu'on vient de dire à l'instant. Ceux à qui on a donné le livre auparavant, ils y croient. C'est-à-dire, ils croient à leur livre, ils croient au Coran. Et lorsque leur sont récités les versets, ils disent, nous y croyons et qu'il est la vérité de notre Seigneur. Et depuis avant, nous y croyons, en fait. Ça veut dire que lorsque le Coran y vient, c'est un nouveau livre pour lui. Mais dis-ce que ce que le livre dit, là, j'y croyais déjà avant, en fait, en réalité. Tu vois? Ce que ce livre dit, en réalité, j'avais déjà foi. Mais de façon globale. Yaqul, fi su'al, wahid wa thamanin. 81e question. Maladhi yajibu, iltizamuhu fi haqq al-Qur'an ala jami' al-Ummah. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous est obligatoire vis-à-vis du Coran dans cette communauté. D'accord ? Par rapport au livre, comment doit-on se comporter ? وَاتِّبَعُوا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَتَمَسَّكُوا بِهِ وَالْقِيَامِ بِحَقِّهِ. Donc on doit suivre ce livre de façon apparente et de façon intérieure. Et s'y accrocher et lui rendre son droit. قال الله تعالى وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا. Il s'agit là d'un livre que nous avons fait descendre. Mubarak, ça veut dire, j'aime pas traduire ce terme, mais ce qu'ils disent, béni. Donc suivez-le et craignez. Al-An'am, les bestiaux, verset 155. وَقَالَ تَعَالَى اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Et suivez ce qui vous est descendu de votre Seigneur, ne suivez pas en dehors de lui d'autres alliés. Al-A'raf, verset 3. Et ce verset-là est parmi les plus grandes preuves. Lorsque les gens citent des choses qui s'opposent à une preuve du Coran, on n'a pas le droit de les écouter, qui qu'ils soient. Qui qu'ils soient. وَقَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَنُدِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. Et ceux qui sont accrochés au livre et qui ont appliqué la salat, nous, certes, ne faisons pas perdre la récompense des gens réformés, ceux qui réforment, c'est-à-dire les bienfaisants. Al-A'raf, verset 170. وَيَعَمَلِي فِي كُلِّ كِتَابٍ وَالْآيَاتِ فِي ذَلِكَ كَثِيرًا. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. Et que le Nabi صلى الله عليه وسلم a exhorté de s'accrocher au livre d'Allah. Dans un hadith, il a dit: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. Prenez le livre d'Allah et accrochez-vous-y. Et dans un autre hadith, il a dit également: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وغضوا عليها بالنواجذ. Il a dit également: accrochez-vous à ma sunna, et celle des califes bien guidés, et accrochez et mordez-vous et accrochez-vous, ou plutôt vous devez y mordre avec les molaires. Donc, on doit suivre le Coran et la Sunna, et les deux ne peuvent se contredire. Ce n'est pas possible. Et si on voit une contradiction, c'est soit on a mal compris, soit c'est un texte qui n'est pas authentique, ou soit alors qu'il y a une jonction à faire entre les deux, qui ne nous est pas apparue à nous, ou alors qu'il y a un abrogeant, un abrogé. Mais sinon, il n'y a aucune contradiction, car la Sunna, c'est également une révélation qui vient d'Allah Azza wa Jal. Wa fi hadith Ali marfu'an, innaha satakunu fitan. قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله. Il a dit dans un hadith que Ali, il a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dire qu'il y aura des troubles, des fitan, des troubles. Et donc il a dit Ali, et dès quelle en est l'issue de ces troubles, il a dit livre d'Allah azza wa jal. Donc regardez bien, la solution à tous les problèmes, c'est le Coran. Les gens aujourd'hui, ils ont plein de problèmes, ils vont chercher partout, je ne sais où, chercher des moyens pour se sentir bien. On dit, vos solutions sont dans le Coran, n'allez pas trop loin. C'est peut-être chez vous, le Mushaf, il est là. Même si tu parles pas la langue arabe, ce qui a été traduit est un minimum indicatif pour te montrer comment t'y prendre sur les choses les plus importantes. Mais les gens vont courir à droite à gauche, chercher les solutions, là où il n'y en a pas, et se mettent encore plus de problèmes sur le dos. Et ils se sentent pas mieux. Pourquoi ? Car ils s'éloignent du Coran en réalité. Ils s'éloignent du Coran. Donc c'est important de s'accrocher au Coran. Yaoumat Muhammad. Il faut lire le Coran. Et l'appliquer autant que possible. Et chercher à le comprendre. Wafi al-Sual al-Thani wa Thamanin. 82e question et dernière du Ders. Yaqul ma ma'na atamassuk bi kitab illah ou bil kitab wa al-qiyam bi haqqihi. Donc maintenant ça veut dire quoi? S'accrocher au livre. Et également lui rendre son droit. Hifzuhu. وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاعتاذ بقصصه أو بقصصه والعمل بمحكمه أو محكمه والتسليم بمشابهته متشابه عفوا جمله والوقوف عند حدوده والذب عنه للتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. Donc maintenant ça veut dire quoi? S'accrocher au livre, le rendre son droit. C'est le mémoriser. C'est le lire. C'est le réciter nuit et jour. C'est comprendre ses versets. Rendre halal ce qu'il a rendu halal. Rendre haram ce qu'il a rendu haram. Et se soumettre à ses ordres. D'accord? Et également délaisser ses interdits. et prendre en considération les exemples qui sont cités. D'accord? Exactement. Et se faire exhorter par les histoires qui sont citées des peuples précédents. Également appliquer, c'est ce qui est effectif et ce qui est clair. Et également accepter ce qui paraît comme étant équivoque. C'est-à-dire des versets qui, des fois, paraissent comme étant contradictoires à d'autres. D'accord? On dit non. On nous revient aux versets qui sont clairs, qui sont des références. Et celui qui paraît comme étant contradictoire, d'accord? On l'accepte comme il vient et on cherche à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Et si on ne sait pas, d'accord? Cela veut dire, il y a des gens qui le savent. Il y a des gens qui le savent. Obligatoirement. Si toi tu ne sais pas, il y a du ulama, ils le savent. D'accord? Et le sens, on le remet à Allah Azawajel, de ce qui ne nous est pas apparu à nous. Et on interroge les gens de science. Mais tout ce qu'Allah Azawajel a fait descendre, c'est compréhensible. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à le comprendre. Également, on doit s'arrêter dans ses limites. Et on doit défendre ce livre et le protéger de toute altération. Quelle altération? Par ceux qui l'interprètent mal. Peut-être qu'ils vont pas changer le terme du Coran, les mots, mais ils vont changer le sens, comment? En interprétant. Comme ils font les mêmes tadira, dans les noms, dans les attributs, dans des règles. Ils inventent des règles en sortant un verset dans une compréhension qui est malsaine, qui est mauvaise, qui est innovée. Donc de là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme ont fait les gens du livre auparavant, ils changent le livre. S'il n'y avait pas les savants de la sunna qui étaient là, concrètement, aujourd'hui, Allah Azawajal les a mis comme étant une cause, comme gardien de son livre, aujourd'hui on serait comme les Nasara et les Yahoud qui ont changé leur livre. Perdu. Perdu. Mais Allah Azawajal, on a décidé autrement que son livre sera protégé, il a fait les causes pour que cela se réalise. Jusqu'à présent, le livre est protégé, il y aura toujours des gens de la vérité qui seront là. Ils ne sont pas infaillibles. Si un se trompe, un autre sera là pour le corriger. Mais dans l'ensemble, il est protégé. D'accord? Dans l'ensemble, il est protégé. Également, être sincère envers l'essence de ce livre. Et y appeler à ce livre avec clairvoyance. On n'appelle pas au Coran avec ignorance, avec fougue. On y appelle avec clairvoyance. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme ders par rapport à ces questions qui étaient relatives en la foi au livre. Tayyib. Naktafi bi hadha al-qadr. Fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, il n'y a pas de coupure aujourd'hui.